On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il vous reste seulement 3 semaines jusqu'au 18 mai exactement pour visiter l'exposition L'Atlantique Noir au musée du Quai Branly à Paris. Une exposition consacrée à un livre phare du XXe siècle, Négro-anthologie, et à sa célèbre éditrice Nancy Cunard. Bonjour Franck. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Nancy Cunard a quitté ce monde il y a une cinquantaine d'années après avoir été la muse d'Hemingway, de Brancusi, de Man Ray et après avoir été très loin dans l'avant-gardisme et dans l'engagement politique. Elle était née, vous savez, dans la célèbre famille des armateurs, Cunard, les papes de la navigation commerciale, et elle s'était révoltée contre son milieu au point de devenir l'incarnation même de la lutte contre le racisme pour un certain nombre de droits très avant-gardistes avant de s'éteindre dans la rue, dans la misère. Je vous propose aujourd'hui de revivre son incroyable destinée. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Léa sur l'origine des accents dans la langue française. Oui, aiguë, grave, circonflexe, voilà une belle question. Pour le moment, je vous propose de poser un regard aigu sur une des plus graves questions du dernier siècle. Et je ne voudrais pas oublier, pour autant, le grand anniversaire d'aujourd'hui. Il y a 800 ans exactement, le 25 avril 1214, naissait celui qui allait devenir le roi Louis IX, le célèbre Saint-Louis. Nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler. Lorsqu'est parue la belle biographie de Philippe de Villiers l'automne dernier, nous aurons d'autres occasions dans l'année de revenir sur Saint-Louis et sur son règne. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Février 1934 est une date marquée dans l'histoire de France. Vous savez que c'est l'assaut des ligues contre la République, avec cet affrontement terrible place de la Concorde. Nous avons presque l'habitude d'en parler à chaque fois qu'une émission tombe le 6 février, et ça fait presque 12 ans que ça dure, donc j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous m'ont entendu déjà raconter ça. Eh bien, dites-vous qu'exactement à la même époque, en février 1934, Nancy Cunard publiait son célèbre ouvrage « Negro Anthology », un livre de presque 900 pages, 855 pages fourmillantes, profuses, un livre sur la place des Noirs dans diverses civilisations, dans la culture. On va voir exactement ce qu'il y a d'ailleurs dans cet ouvrage, réunissant à titre d'auteur, c'est un collectif, réunissant des historiens, des journalistes, des musiciens même, notamment des Africains, des Antillais, des Afro-Américains. Negro ne fut jamais une entreprise raisonnée, nous dit un des proches de Nancy Cunard. Il n'y eut jamais de plan directeur, il ne fut jamais question de bâtir une thèse sur le mode universitaire, d'entreprendre des recherches dans toutes les archives connues, ni de dresser un catalogue des sources possibles. Ce fut avant tout une œuvre de passion et une œuvre passionnée. La passion, c'est vraiment ce qui aura animé constamment cette Nancy, avec le désordre, la générosité, les grands sentiments, quelques aspirations parfois confuses. On peut dire que cette œuvre porte d'emblée la marque de sa directrice, de son auteur d'une certaine manière. Nancy Cunard était née en 1896. Elle a été, je le disais tout à l'heure pour lancer cette émission, elle a été la muse, l'amie, souvent la maîtresse d'un certain nombre de célébrités de son temps. La commissaire de l'exposition L'Atlantique Noir au musée du Quai Branly, Sarah Frioux-Salgas, nous dit qu'elle était une femme libre, une icône de mode. Certes, elle fut un symbole de la mode garçonne, Poiret, Schiaparelli, Coco Chanel l'ont habillée, Mais celle qui reste pour beaucoup la maîtresse d'Aragon, nous dit-elle, était avant tout une grande intellectuelle, passeuse de textes. Elle a traduit des extraits de Nadja, elle a publié Beckett et Ezra Pound, etc. Dans ses poèmes à la France, qui sont donc écrits 1939-1944, ses poèmes à la France occupée en quelque sorte, elle écrit « Que vous dire de moi-même, j'aime la paix, la campagne, l'Espagne républicaine et l'Italie antifasciste, les Noirs et leur culture africaine et afro-américaine, toute l'Amérique latine que je connais, la musique, la peinture, la poésie et le journalisme. » Son nom, le nom de Nancy Cunard, nous informe d'entrée de jeu sur ses origines. Lorsqu'elle naît, donc en 1896, évidemment, elle fait partie de cette Angleterre qui domine le monde. Sa famille, vous savez, ce sont les fameux fondateurs de l'entreprise de la ligne maritime, la Cunard Line, ces grands paquebots transatlantiques. Notamment, son père, c'est Betch Cunard, donc baron, héritier de l'entreprise éponyme. Et quant à sa mère, alors sa mère, c'est un personnage, Maud Alice Burke. C'est une Américaine, demeure légère, on ne compte plus ses amants, dont un a marqué, George Moore. La rumeur voudrait que ce George Moore ait été le père de Nancy. On y reviendra tout à l'heure avec mon invité, nous essaierons de voir ce qu'il faut en penser. Ce qui est certain, c'est que Nancy est une fille unique et qu'elle est la seule héritière de cette compagnie de navigation, des Cunard Cruises. Donc c'est une petite fille très riche, si je puis dire, élevée par des gouvernantes dans la grande tradition de l'aristocratie britannique. Elle passe de fait très peu de temps avec ses parents et beaucoup avec le personnel, avec les domestiques. Parmi ses gouvernantes, il y a eu une Française dont elle garde un joli souvenir. Elle écrira beaucoup plus tard un poème. « C'était une gouvernante rebelle, écrit-elle, qui venait de Toulon, dans le sud, des cerises rouges tombant de son chapeau, un rire bruyant, éclatant. Elle vint dans les Midlands enseigner à une petite fille de 7 ans. Sa voix était pleine de toutes les aventures de la vie, son œil si gai. Mais un jour, elle disparut. » On devait la trouver sans doute un peu libérale, cette gouvernante, et elle sera remplacée par une autre, alors celle-là, beaucoup moins facile, Miss Scarth. Voici ce que nous dit François Beau dans sa biographie de Nancy Cunard. Avec sa froideur et son sens de la discipline, elle s'impose par la terreur, cette Miss Scarth. À coups de trique, elle multiplie les interdictions, un bain froid et du porridge tous les jours. Mise en quarantaine pour éviter tout contact avec d'autres enfants, Miss Scarth en rajoute à plaisir et multiplie les interdictions concernant les pique-niques ou les baignades. Maud ignore tout ceci. Maud, c'est donc la mère de Nancy. Elle a embauché Miss Scarth pour son excellente réputation et comme beaucoup de parents, Maud souhaite le meilleur pour sa fille. Elle est prête à y mettre le prix. Elle se réjouit de voir que Nancy progresse. La fillette subit sans rien dire. Trop timide pour se plaindre à sa mère, elle commence assez vite à lui en vouloir. Elle comprend aussi que si elle veut vivre sa vie, il va lui falloir tricher, mentir, comploter. Mais pour l'instant, elle préfère encore s'isoler, se replier sur elle-même dans son monde. Il est possible que tout ça ait forgé la si forte personnalité de Nancy, mais il est certain que ça l'a surtout traumatisée, blessée peut-être plus profondément même qu'on ne pourrait le penser. Un homme va apporter beaucoup à Nancy depuis sa tendre enfance, et c'est ce fameux George Moore dont je vous parlais tout à l'heure. À 60 ans, elle raconte dans ses « Memories of George Moore » Mes premiers souvenirs de George Moore remontent à mes 4 ans et je puis probablement l'appeler en un sens mon premier ami. Il venait si souvent à Holt, Holt c'est donc ce grand manoir, ce château où habite la famille, généralement pour de longs séjours, qu'il semblait faire partie de la maison. Il me parlait comme à son égal et tout ce qui m'arrivait l'intéressait. Il était la principale figure de mon enfance. Il y avait le son de sa voix et cette manière de jouer avec ses mains. Tout cela était extraordinaire. J'adorais le regarder, j'adorais l'entendre. Peut-être est-ce lui d'ailleurs qui, au-delà d'un certain goût pour les arts, lui aura inculqué le goût pour la France. Le poète a toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. En contre l'ancien état. C'était Jean Ferrat sur Europe 1, la femme et l'avenir de l'homme. Et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand pour la suite de son récit sur la vie de Nancy Kennard. Cette petite fille est devenue une jeune fille. Elle a été placée dans une excellente pension, vous imaginez, dans une école privée de Londres, la Miss Wolfe Select School. Elle va regretter d'ailleurs, paradoxalement, le départ de Miss Carth, qui finalement a été renvoyée. « J'avais de bonnes raisons pour la détester, dit-elle, son tempérament détestable, ses punitions, sa discipline de fer, mais j'admirais son intelligence, c'était une femme remarquable. » À l'école où on l'a placée, c'est la discipline qui est le maître mot. La directrice s'est d'ailleurs donné pour objectif de soustraire Nancy à l'influence néfaste de sa mère. Vous savez que cette mère vit une vie vraiment très dissolue. Elle a la plus mauvaise réputation possible à Londres. Mais derrière les murs de l'école, il y a la capitale, nous dit François Buau, son biographe. Et toutes les tentations de cette capitale. Avec sa nouvelle amie, Iris Tree, Nancy rêve de magasins, de bals, de princes charmants. Elle rêve surtout de voyage. Il faut vous dire que lorsqu'on est l'héritière d'une ligne de paquebot transatlantique, évidemment, on a tendance à aimer les voyages. Elle va faire la traversée de l'Atlantique dans un luxe inouï, vous pouvez l'imaginer. Son premier voyage a lieu dès 1905 pour l'enterrement de sa grand-mère, de la mère de Maud Kennard. Nancy commence dès 1909 à tenir son propre journal. Et dans ce journal, elle raconte, elle parle de ses activités. Elle parle des petites sonates de Chopin, de Beethoven, qu'elle joue au piano, elle raconte ses promenades, elle se plaint des absences de sa mère. Elle inscrit aussi la liste complète des livres qu'elle découvre. Par exemple, l'été de ses 13 ans, on peut voir qu'elle lit Walter Scott, ça c'est assez classique, et Schiller, et Molière, et Shakespeare, et Daudet, Dickens, Corneille, Échille. Ce sera une jeune femme extrêmement cultivée qui aura d'emblée une prédilection pour tout ce que la littérature peut présenter de, j'allais dire de brut, d'immédiat en tout cas, de profond. Il y a chez elle la recherche des grandes vérités, bien entendu. Après l'Angleterre, la France, elle arrive à Paris au moment où son père décide de vendre le château familial. En fait, elle aurait aimé, elle, aller étudier en Allemagne, mais sa mère a préféré une pension très, là encore, extrêmement rigoureuse en France. Elle va intégrer l'établissement des Sœurs Rosanne à Paris, une institution privée pour jeunes filles de bonne famille. Et là, alors, c'est l'ennui terrible, et qui sans doute va contribuer à développer en elle un véritable goût pour l'extraordinaire, un véritable besoin d'échapper au carcan. Elle est remarquée, évidemment, parce qu'elle est remarquable. C'est devenue une jolie jeune femme avec les traits vraiment singuliers, des traits fins, des yeux très bleus, d'un bleu tout à fait sidérant et qui aura frappé tous ceux qui auront eu à croiser ce regard. Des cheveux châtain clair, presque blonds. Elle porte déjà des tenues assez remarquables. Elle va bien sûr devenir l'égérie de certains grands couturiers, notamment du couturier Paul Poiret, qui est un ami de la famille. Il y a chez elle cette vivacité extraordinaire, cette curiosité, cet éveil permanent. Elle rencontre tout ce que la gentry britannique de passage à Paris peut présenter d'un peu extraordinaire, notamment le futur Édouard VIII, le prince de Galles, qu'elle trouve tout à fait ennuyeux. Il faut vous dire qu'elle est désormais une jeune fille rebelle. Elle rejette totalement les valeurs familiales, elle essaie de fuir ce milieu et surtout elle essaie de fuir cette mère qui l'étouffe depuis toujours. Ce qu'il y a d'un peu étonnant, c'est que vous verrez à quel point un certain nombre des moments de sa vie la ramène un peu à cette mère, et pourtant elle essaie constamment de s'en distinguer et de se révolter en quelque sorte contre le modèle qu'on a tenté de lui imposer. À la veille de la Première Guerre mondiale, elle va prendre vraiment ses libertés, elle verse peu à peu dans une forme de provocation délibérée. Cette Iris Tree, hein, cette amie qui est poète, qui sera actrice et qui raconte « À ce moment-là, nous étions des bandits, n'hésitant pas à nous maquiller avec de la craie blanche sur le visage et du rouge à lèvres écarlate, fumant des cigarettes parmi les fêtards choisis par nous-mêmes. Nous étions de vrais caméléons, nous passions de Meredith à Proust et à Dostoïevski, goûtions à l'absinthe avec Baudelaire et Oscar Wilde, nous nous laissions assombrir par le pessimisme nihiliste, inspiré par le jeune Rupert Brooke, par T.S. Eliot, Yeats, par Lawrence, secoué par Blast de Wyndham Lewis. et la signifiante forme, les sculptures d'Epstein, la musique de Stravinsky, les tout premiers ballets russes et même le jazz américain. Il y a chez ces jeunes filles la volonté de repousser complètement les barrières. Il y a la volonté d'aller vers tout ce qui peut s'apparenter à l'avant-garde, évidemment. Elle était très orgueilleuse, ajoute Ristri. Elle avait un dédain naturel contre toute personne qui essayait de limiter sa liberté. Voyez cette espèce de jeune fauve, en quelque sorte, qui vient de rompre tous ses liens. Arrogante, nous dit-elle, elle se cabrait comme un cheval fougueux envers qui que ce soit, les écrasant de sa hauteur. On sent cette volonté arrogante, impérieuse, évidemment. Peut-être avec une forme peut-être de morgue chez Nancy Quenard, mais c'est une morgue qui chevauche la liberté, si je puis dire, qui ne veut aucune des contraintes qu'on aurait aimé lui voir adopter. L'alcool, la drogue font évidemment partie de la fête. Elle associe volontiers la cocaïne ou l'opium au jazz des musiciens noirs de Harlem. Il faut vous dire que pour elle, avec les hommes, tout a l'air facile. Elle circule dans ce milieu de la haute société de l'époque. Elle multiplie rencontres et conquêtes quasiment d'un même mouvement. Voici ce que dit l'écrivain David Gamet à son propos. « Nancy m'a beaucoup impressionné », écrit-il après l'avoir rencontrée. « Elle était très maigre, avec un teint très blanc. Je n'avais jamais vu des yeux aussi bleus. Elle est merveilleuse. » Elle va se marier en 1916 avec un certain Sidney Fernbern, qui est un jeune homme, bel homme, grand, svelte, sportif. Il a 23 ans. Bien sûr, ce mariage est un événement mondain auquel la mère tente un temps de s'opposer. Il ne va pas durer longtemps, le mariage. 20 mois seulement avant une séparation qui précédera elle-même le divorce, Nancy avouera plus tard que ce mariage à ses yeux n'était qu'un moyen d'échapper à sa mère, d'avoir une maison à moi, dira-t-elle. Un intermède entre une série de bonnes choses passées et à venir. Nancy va surtout essayer de fuir à travers les arts, à travers ce qu'il peut y avoir de plus artistique dans son entourage, à travers la littérature aussi. Elle veut écrire, elle se sent poète. Déjà en 1916, les frères Sitwell ont édité une première série de poèmes qui n'ont pas eu de grand succès. Et plus tard, elle publiera 4 recueils de poèmes. La guerre est arrivée, vous l'avez compris, vous avez vu la date dont je vous parle. Elle tombe malade pendant la guerre et en 1919, elle est victime de la grippe espagnole comme tant de millions de ses contemporains. Elle sera soignée, vous l'imaginez bien, par les meilleurs spécialistes. Mais cette grippe espagnole lui laisse un mauvais souvenir, une affection pulmonaire grave. Elle part se ressourcer sur la Côte d'Azur et à la fin de l'année suivante, elle est atteinte d'une infection gynécologique qui va aboutir à une opération grave. Elle subit une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on va lui retirer une partie de l'utérus et ça aura aussi des conséquences sur l'avenir, sur la façon dont elle envisagera un certain nombre de ses relations. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire continue avec la suite et fin du récit de la vie de Nancy Quenard et c'est tout de suite avec vous Franck Ferrand. C'est à Paris que va finalement, après tant de voyages, que va s'installer Nancy Quenard. Paris où elle fait vraiment partie de l'avant-garde artistique, littéraire. On la voit constamment au Bœuf sur le Toit. Il faut imaginer ce que peut être la capitale française à l'époque, avec tous ses écrivains, ses artistes, ses photographes, et puis ses mécènes et ses journalistes. Il y a une espèce de bouillon de culture absolument extraordinaire. Nancy connaît tout le monde, vous imaginez. Et elle va devenir la muse d'un certain nombre d'auteurs, artistes, dans Michael Arlen, par exemple, l'auteur du Chapeau Vert, Tristan Tzara est également son amant. Il lui dédie sa pièce Mouchoir de nuages. Puis le photographe Man Ray, le photographe et peintre Man Ray, qui va réaliser d'elle une série de portraits, dont le plus célèbre en habit léopard et cheveux courts, avec au premier plan ses bras recouverts des fameux bracelets qu'elle collectionnait. On va venir à tout ça dans un instant. Il faut vous dire que Nancy Quenard, et c'est la raison pour laquelle le musée du Quai Branly lui consacre cette exposition, va se passionner, quand je dis se passionner, elle se projette littéralement dans ces arts que nous appelons les arts premiers, et notamment dans ces arts africains. Elle assiste, on est en plein milieu des années folles, elle assiste aux représentations de la Revue Nègre, elle écrit dans Vogue sur Josephine Baker, elle en dit le plus grand bien d'ailleurs, elle se rend au Grand Duc Rupigal où se produisent les Noirs américains de Paris, Cracker Jacks, Virginia West, etc. Elle se déhanche évidemment sur la musique des jazz bands dans tous les clubs parisiens. Elle se veut proche de cette communauté particulière et elle va bien entendu devenir peu à peu consciente. Et c'est un aspect évidemment essentiel du personnage. Elle va devenir consciente de ce que représente tout ce mouvement, tous ces mouvements artistiques qui ont finalement leur cohérence. C'est ce que nous allons essayer de voir dans la deuxième partie de cette émission. Évidemment, je ne vais pas développer maintenant toutes ces relations, notamment avec Louis Aragon. On va y venir dans un instant. Cette relation est fondamentale, cette relation avec Louis Aragon. Nous allons en parler avec Sarah Friou-Salgas. Mais d'une façon générale, dites-vous que il est difficile à cette époque, dans les années 26, 27, 28, de trouver quoi que ce soit d'un peu original, d'un peu fort ou nouveau à Paris sans trouver Nancy Quenard. Elle est là, elle est présente, elle est derrière, si je puis dire. Elle ne sait rien se refuser, nous dit l'un de ses biographes. Elle n'aime pas les autres, elle n'a jamais aimé les autres, ils sont des ennemis. Elle l'a pensé dès l'enfance, elle les oublie parfois, immobile, lourde et violente, assez grande avec ça et hautaine, nonchalante. Il semble qu'elle couche avec tout le monde, on se trompe. Elle songe longtemps à celui qu'elle a marqué de son désir. Elle ne se donne pas tout d'un coup par surprise. Il y a très peu en elle le goût de la fantaisie. Elle s'empare d'un homme comme l'eau des marais par infiltration sourde. Celui qui parle peut-être le mieux d'elle, c'est son plus proche collaborateur, peut-être Raymond Michelet, qui est assez franc, disons, avec elle. Il nous parle d'elle d'une façon assez extraordinaire. Elle s'occupait du problème central de notre époque, dira-t-il, le problème noir. Et pourtant, je ne me rappelle pas la moindre discussion avec Nancy au sujet de ce problème. De tous les gens que je connaissais, elle était celle qui s'occupait le plus des individus. Elle ne parlait pas des problèmes, elle agissait. Et il ajoute, Raymond Michelet, la publication de ce pamphlet, donc de Negro Anthology, je ne suis pas sûr que le terme de pamphlet convienne d'ailleurs, en tout cas de cet ouvrage, marque la rupture bientôt définitive de Nancy avec ses origines. Ce sera le début d'une nouvelle évolution qui la verra désormais souvent avec véhémence aux côtés de ceux que ne satisfait pas un ordre en apparence bien établi. À cette époque, l'ethnographie était encore réservée à quelques spécialistes, raconte Nancy Quenard elle-même. Mais quelques artistes ont bien compris la beauté de ses œuvres de sauvage. C'est Matisse qui, le premier, a acheté pour une somme modique un masque du Congo en 1909. Eh bien, elle va peu à peu se passionner pour cet art, pour ces masques, pour tout ce qui en découle. Elle va le faire bien entourée, bien entendu. Il serait faux d'évoquer tout cela en ne faisant référence qu'à Nancy Quenard. Ce qui est important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a autour d'elle tout un groupe et que c'est ce groupe-là auquel il est question en ce moment même de rendre hommage. Bonjour Sarah Friou-Salgas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc commissaire de cette exposition qui s'appelle « L'Atlantique noir » au musée du Quai Branly. Et avec vous, nous allons revenir non seulement sur Negro Anthology en tant que tel, sur tout ce mouvement et puis bien sûr sur la personnalité et tous les mystères que trimballe derrière elle Nancy Quenard. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, c'était Sidney Béchette, promenade sur les Champs-Élysées. Nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand avec son invité, Sarah Friou-Salgas, commissaire de l'exposition L'Atlantique Noir. La personnalité dont nous parlons aujourd'hui est tellement riche, flamboyante, tellement contrastée que je n'ai pu évidemment que donner quelques aperçus extrêmement parcellaires d'ailleurs, un peu comme un portrait d'art contemporain si je puis dire. Hein. J'ai fait quelques coups de projecteur sur certains aspects d'une personnalité immense, mais dont la cohérence reste très visible. C'est peut-être ce qui frappe le plus dans tout le travail qu'on peut faire autour d'elle, autour de Nancy Quenard. Est-ce que dans cette exposition, vous avez trouvé, j'ai envie de dire, un fil conducteur? Quel est le nœud de tout cela, Sarah Frioux-Salgas? Je pense que peut-être que le nœud, en effet, il y a ce que vous exprimiez au début de votre portrait que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Et je trouve que c'est un beau résumé, en effet, de ce personnage aux multiples facettes. C'est déjà la passion. Et l'autre chose, c'est peut-être la révolte, que ce soit quand on appartient à un avant-garde. C'est on se révolte contre un ordre établi, que ce soit politique ou artistique ou littéraire, et elle appartiendra toujours au groupe, que ce soit en Angleterre dans les années 10 et ensuite à Paris dans les années 20 et plus après près de journalistes ou de militants dans les années 30, qui se révolte contre quelque chose, alors contre le formalisme poétique anglais, contre l'art traditionnel en France, en étant proche des surréalistes, et contre le colonialisme ou le racisme aux États-Unis dans les années 30. C'est un peu une révolte permanente, dans des cadres à chaque fois un peu différents, mais peut-être que ce fil de conducteur me semble assez cohérent sur deux personnages. La révolte, une vie en réaction et des passions, des engouements, des élans, mais qui se définissent toujours un peu contre quelque chose au départ, voilà, avant de devenir quelque une chose et d'une remise pour remettre en question un ordre établi, effet. Il faut dire qu'elle avait sous les yeux des modèles parentaux un peu disgracieux, entre ce père homme d'affaires extrêmement distant et cette mère qui est une sorte de mondaine extrêmement volage, totalement superficielle. On l'imagine riant avec ses amis, etc. Et cette petite fille d'un sérieux presque maladif et d'une timidité qui aura frappé tous ceux qui la rencontrent, cette petite fille va nourrir en elle une sorte de haine sourde contre sa mère. Ça n'est pas une petite révoltée au départ, hein, pas du tout. Hein. Non, mais je pense que ce qui est en effet compliqué chez ce personnage, chez Nancy Quenard, c'est que sa mère va en effet être une mondaine, mais une mondaine qui va être liée aux avant-gardes londoniennes. Et je pense que ce qui va en effet révolter Nancy Quenard, c'est cette espèce de contraste entre ce soutien à la fois aux avant-gardes et un comportement très superficiel. Je pense qu'elle va trouver ça assez absurde. Et ça aussi, ça va un peu la gêner, la révolter. Et puis après, les choses classiques entre une mère et une fille. Elle va avoir, oui, des liens complexes. Et en même temps, c'est sa mère qui va l'intégrer aux avant-gardes. Et on se positionne toujours contre quelqu'un quand on veut grandir. Et c'est aussi, Que faut-il penser de cette rumeur qui voudrait qu'elle soit en vérité la fille de George Moore? Je pense que finalement, que ce soit vrai ou pas vrai, on s'en fiche un peu. Mais elle est peut-être la fille spirituelle de George Moore. C'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un qui va être en effet une personne majeure dans son rapport au monde, qui va, dans ses moments de solitude, dans la maison familiale, lui ouvrir les choses, qui va être à l'écoute, etc. Donc ça va être une sorte de père de substitution. Alors peut-être que c'est son vrai père, mais après, finalement, c'est pas très grave que ce soit vrai ou pas vrai. Je pense que c'est son modèle, son mentor. Alors nous allons venir à la muse, à l'égérie, à ce personnage qui est très inspirant dans le Paris des années folles. Mais avant cela, je pense qu'on aurait été surpris, juste à la veille de la Première Guerre mondiale, de voir dans quel milieu évoluait finalement Nancy Quenard, qui fait partie de cette jeunesse dorée internationale qui prend le train bleu et qui se retrouve à Monaco pour la saison d'hiver, en fait. Oui, c'est ça. Elle fait vraiment partie d'une jeunesse aisée, un peu aussi révoltée contre le conformisme, comme on peut l'être quand on est jeune, adolescent, mais dans tout ça, dans un cadre en effet tout à fait agréable et qui est décrit dans ce roman dont vous parliez tout à l'heure, le Chapeau Vert. Et c'est une jeunesse qui va être comme ça foudroyée par la guerre 14-18, comme en France. Aujourd'hui d'ailleurs, on commémore, c'est l'année de la guerre 14-18, et l'Angleterre aussi va être très violemment touchée par ça. Là, sans vouloir jouer les Sainte-Beuve et tout rapporter à la biographie, quand même, il y a là une ligne de fracture, cette guerre, les révoltes, tous ces jeunes, et elle particulièrement, elle se trouve en plus physiquement atteinte par cette grippe espagnole, par cette infection gynécologique qui d'ailleurs est sans doute liée à tout ça, probablement. Et elle se vit au tout début des années 20 un peu comme une personne infirme d'une certaine manière. Elle a été touchée dans son intégrité physique et dans son intégrité de femme, il faut peut-être le dire. Exactement, dans son intégrité physique, dans son intégrité de femme, dans son intégrité aussi sentimentale parce qu'elle était mariée officiellement. Elle fait un jeune sportif, mais surtout elle a été très amoureuse d'un jeune homme qui meurt pendant la guerre. Un amour peut-être d'ailleurs juste... Platonique. platonique, mais ça va être, en effet, elle va être touchée. Oui, c'est la rupture, mais comme beaucoup de gens en Europe, en fait, d'ailleurs, quels que soient les milieux, que ce soit un milieu paysan, un milieu aristocratique, cette guerre va vraiment briser tout le monde et calmer un élan et mettre fin à des élans importants. J'ai évoqué Tristan Tzara, j'ai dit un mot d'Aragon, c'est une relation forte avec Louis Aragon, hein. C'est oui, important. Oui, tout à fait, elle le rencontre en 26, donc elle fréquentait depuis un moment, elle était déjà entre Paris et Londres, elle fréquentait toutes ces avant-gardes présentes notamment à Paris, et ils vont vraiment commencer leur histoire ensemble et mener une vie tout à fait incroyable. Ils aimaient sortir, ils aimaient voyager, écrire ensemble. Collectionner l'art africain. Collectionner l'art africain. En effet, les surréalistes étaient des grands collectionneurs d'art africain et il va lui donner le goût de la collection. Et ils vont par exemple aller dans les ports anglais acheter ces fameux bracelets qu'on retrouve sur son propre corps, mais sur de nombreuses photos. C'est ensemble qu'ils constituent. Elle en avait une incroyable collection, 487, c'est ça? Oui, exactement. Elle avait une collection très très importante. Et c'est, en fait, sa collection d'objets traditionnels n'était pas particulièrement exceptionnelle, mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont elle a valorisé ce type d'objet qui, à l'époque, n'était pas vraiment dans le goût des collectionneurs. Alors, on entendait des notes de jazz tout à l'heure. Évidemment, il faut se remettre dans ce contexte. Hein. Il y a la Revue Nègre qui a un succès absolument phénoménal. Joséphine Baker est devenue une sorte de déesse du Paris de l'époque. Elle va rencontrer elle-même quelqu'un qui joue un rôle très important, c'est Henry Crowder. Oui, alors elle rencontre Henry Crowder en 1928 à Venise, mais en fait des groupes de jazz circulaient un peu partout en Europe. Toute l'aristocratie anglaise était très souvent à Venise. Et là aussi, ça va changer sa vie. C'est l'année où elle va rompre avec Aragon et commencer une histoire avec Henry Crowder qui va la sensibiliser à la question des Noirs américains. Et c'est surtout qui va être un point de rupture avec sa mère aussi, qui ne va pas supporter que sa fille soit en couple avec un homme noir. Et là, ça va être vraiment la réelle rupture avec son monde. Quoi. On a presque l'impression qu'elle adopte, qu'elle épouse carrément ce combat identitaire des Noirs, qui d'abord est un combat des Noirs américains, mais d'une façon plus générale de tous les Noirs immergés dans la culture occidentale. C'est ça, on a l'impression qu'elle est un peu comme si elle était noire à l'intérieur, si j'ose dire. Oui, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Et puis c'est comme on disait tout à l'heure, c'est surtout cet instinct de révolte. C'était la situation des Noirs, que ce soit aux États-Unis, qui était ultra violente, hein, la ségrégation raciale, les violences raciales, que ce soit dans les colonies, elle va via les surréalistes ou aussi des militants anglais, elle va découvrir un peu toute cette violence. Et en effet, elle va à la fois, je ne sais pas si elle s'identifie, mais ce qu'elle va avoir envie de faire, c'est de donner la parole à tous ces gens révoltés comme elle, issus des colonies ou des... Et de leur donner la parole, notamment à travers ses œuvres, parce qu'elle se vit, elle, vraiment comme un auteur, comme un poète. Oui. Et il faut dire qu'elle est entourée d'écrivains, bien entendu. Elle vit au milieu d'eux. Il ne faut jamais perdre de vue cet environnement autour d'elle. Aragon, évidemment, bon. Et René Crevel, Sarah, dont on parle, et puis des Anglais qu'on connaît moins également, mais qui, en effet, elle va être vraiment baignée dans un univers poétique et artistique très fort, et un univers poétique et artistique aussi très rebelle. Oui, et en révolte. Alors, oui. Au moment de la guerre d'Espagne, ça va prendre une dimension encore plus grande. Elle accueille chez elle des réfugiés en France, hein, en Normandie, dans sa maison normande. Elle accueille des réfugiés espagnols qu'elle arrive à exfiltrer vers l'Amérique du Sud. Enfin, elle devient très activiste d'une certaine manière. C'est Pablo Neruda qui, au moment de la mort de Nancy Quenard en 1965, écrira « Mon amie Nancy Quenard est morte à Paris. C'est là qu'elle ferma ses magnifiques yeux bleus. Pour toujours, elle s'était consumée dans une longue bataille contre l'injustice du monde. » C'est vrai qu'elle aurait voulu imposer, elle aurait voulu utiliser cette intelligence, cette force, ce caractère, et ses moyens qui étaient les siens, et ses relations qui étaient les siennes, pour faire bouger un peu les habitudes. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que en rompant avec sa mère au début des années 30, elle va rompre aussi avec le niveau de vie qu'elle aurait pu avoir, parce qu'à partir des années 30, la rente que lui versait sa mère va être beaucoup moins importante. Donc elle va, c'est aussi une marque de cet engagement de vraiment décider de mettre fin à ce qu'elle aurait pu être et de laisser tomber un univers pour s'engager, en effet, et essayer de changer les choses. Et finalement, elle va devenir journaliste, et ce qui est aussi le rôle de grand journaliste, de décrire la réalité pour que les choses changent. Alors en 1931, elle va donc publier cette Negro Anthology. C'est le grand sujet de Nancy Quenard, si je puis dire. Et ça tombe bien, c'est l'objet de l'exposition du musée du Quai Branly. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Franck Ferrand, vous êtes en compagnie de votre invitée Sarah Friou-Salgas, commissaire de l'exposition L'Atlantique Noir. C'est le 15 février 1934 qu'est publié Negro Anthology, c'est-à-dire que ça fait 80 ans. Et à l'occasion de ces 80 ans, le musée du Quai Branly consacre non pas à l'ouvrage seulement, mais à tout ce qu'il y a autour et à Nancy Quenard, sa directrice d'édition en quelque sorte, une belle exposition dont vous êtes la commissaire, Sarah. Alors, il faut que vous nous expliquiez comment vous avez conçu cette exposition. L'exposition est divisée en quatre sections. Donc une première section qui est Nancy Quenard, une femme époque, pour essayer de comprendre pourquoi Nancy Quenard réalise cette anthologie, donc qui est liée un petit peu à notre conversation précédente, à son environnement intellectuel, familial, qui va aussi la stimuler. La seconde partie est consacrée aux auteurs de l'anthologie et au sommaire. Pour moi, c'était vraiment important que les visiteurs puissent voir pourquoi cette anthologie est importante, pour comprendre les gens qu'elle va rassembler, qui sont essentiellement des auteurs africains, africains-américains et antillais, donc qui parlent de leur propre histoire. Ce n'est pas qu'une blanche qui va parler des noirs, mais elle va donner la parole à des noirs pour parler de leur propre situation. Et ça, c'est assez original et assez unique pour l'époque. C'est-à-dire qu'à la limite, on aurait pu imaginer à cette époque, j'essaie de me remettre toujours un peu dans l'état d'esprit, on aurait pu imaginer que un certain nombre d'esprits ouverts consacrent aux noirs, d'une façon très générale, des études qui soient ethnographiques ou culturelles. Pourquoi pas? Mais là, c'est beaucoup plus fort. C'est une espèce de grande tribune qu'elle ouvre, qu'elle offre à 150 auteurs, 250 articles. C'est une sorte d'encyclopédie noire, si je puis dire. Exactement. C'est une grande enquête documentaire sur les mondes noirs contemporains, anciens. Enfin, l'objectif est vraiment de montrer que les noirs ont une histoire longue et sociale et importante pour évacuer tous les préjugés. L'idée, c'est d'évacuer les préjugés raciaux en montrant tout ça. Et en effet, elle aurait pu faire une encyclopédie généreuse en donnant la parole aux gens qui dénoncent tout ça. Et la force, vraiment, c'est non seulement elle donne la parole aux gens concernés, mais à des gens qui vont avoir des positionnements très différents. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois une anthologie partisane qui donne la parole à tous. Et ça, c'est aussi très original. À des militants très radicaux, à d'autres moins, parce que la stratégie pour défendre la situation des Noirs était... Il n'y avait pas une stratégie des Noirs, il y avait une multitude de stratégies. Et elle rassemble tout ça dans son anthologie. Et ça, c'est très original et très fort. Raymond Michelet, qui a été très proche d'elle, disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de but réel. Il n'y avait pas, en quelque sorte, de plan préétabli. C'est plutôt une sorte de... On accueille toutes les collaborations. Exactement. Et toutes les contributions possibles. L'idée, elle se baladait avec des valises et tous les textes qui arrivaient. Je pense que c'était... Elle a dû d'ailleurs perdre certains textes qu'on avait dû lui envoyer. En effet, c'était pas une universitaire, c'était une passionnée, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette anthologie, d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle a été beaucoup oubliée dans l'histoire des sciences sociales. C'est, je pense que c'était pas un travail classique et que c'était compliqué de s'approprier un tel objet. Et oui, je pense que c'est pour ça que ça a été évacué. Mais c'est ce qui, aujourd'hui, on se rend compte, ce qui fait sa force. C'est vraiment un objet original et passionné et que les sciences sociales doivent s'approprier, à mon avis. Comment a-t-elle trouvé un éditeur pour publier une chose pareille? Alors, ça a été compliqué. Alors, déjà, donc elle rompt avec sa mère, mais elle va avoir quand même un petit pécule. C'est elle qui va tout financer. Ça a dû coûter l'équivalent aujourd'hui de 60 000 euros de tout faire. Donc elle a eu du mal à trouver un éditeur parce qu'elle avait des exigences très précises. Elle va en voir plusieurs à Londres et celui qu'elle va trouver, c'est celui qui va accepter ce qu'elle veut faire en fait. Donc c'est elle qui va entièrement éditer le livre à ses frais. Et il fallait un cadre un petit peu éditorial qu'elle va trouver parce qu'elle était complètement libre. Alors elle a autour d'elle des conseillers, bien entendu. Elle a des traducteurs aussi. Enfin, encore une fois, il ne faut pas oublier le milieu dans lequel elle évolue. Les réseaux. Il y a des gens comme Samuel Beckett qu'on retrouve. Exactement. Ce qui est intéressant aussi quand on travaille sur ce texte, c'est de comprendre pourquoi, qui, quoi, comment tout ça se construit. Et une des choses intéressantes, c'est dans l'exposition, en effet, la première partie, c'était comprendre ces réseaux. Et notamment, c'est Nancy Quenard qui publie les textes de Beckett en France en 1930 et qui était un jeune poète qui avait 24 ans à Paris et quand même elle publie un des plus grands poètes du XXe siècle et du coup elle lui demande de traduire les textes français en anglais pour l'anthologie. Alors vous nous dites que les sociologues ont mis beaucoup de temps à accepter, à intégrer ou digérer en quelque sorte cette contribution-là, peut-être parce que c'est un peu un ovni si l'on peut dire dans le monde des sciences sociales et puis aussi peut-être parce que s'y exprime une véritable pensée panafricaniste. Il faut expliquer ce qu'est ce mouvement du panafricanisme. Moi, je pense qu'il y a ça, que c'était un objet étrange, que c'était une femme. Voilà, oui, ça, c'était pas courant. Et pas n'importe quelle femme. Et pas n'importe quelle femme. Parce que ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'elle est très libre dans ses positionnements de tout point de vue, et notamment qu'elle a, en dehors de tous ses amants, j'en ai cité un certain nombre, elle a aussi des maîtresses. Hein, elle, l'homosexualité fait partie de sa vie. Donc, ce qui était aussi le pari des années 20. Du souffre autour d'elle, oui, bien sûr. Exactement. Voilà. Et en effet, c'est une anthologie panafricaine. Un des pères du panafricanisme est Georges Panmore, un Trinidadais, qui va vraiment l'aider à prendre des contacts avec de nombreux auteurs de l'anthologie, notamment les militants africains et antillais qui étaient présents à Londres. En gros, c'était l'idée de libérer la position des Noirs dans le monde entier, d'une solidarité noire dans les Amériques noires, c'est-à-dire les États-Unis, les Caraïbes et l'Afrique du Sud, l'Afrique et les Noirs présents en Europe. Donc c'est une grande pensée qui va être très importante au XXe siècle et qui va fédérer normalement des auteurs de tous ces continents. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Nancy Cunard joue le rôle de fédératrice. Alors, nous sommes à radio, donc j'ai envie de vous demander de décrire la forme de cet ouvrage. Ça ressemble à quoi concrètement, alors, Negro Anthology? Alors, c'est entre le A3 et le A4. Oui. C'est une couverture un peu mauve, enfin, une toile mauve-marron avec Negro Anthology en diagonale, en gros, en rouge. Donc, c'est surtout Negro et Anthology en plus petit dans la forme classique, qui fait donc 850 pages. C'est très, très petit. C'est vraiment très dense. Quand on voit l'objet, beaucoup de gens sont étonnés que ça fasse 850 pages et qui rassemble des essais littéraires, des photographies, de tout. Voilà, il y a des photos, il y a des gravures, des archives, des compositions musicales. C'est presque multimédia, c'est-à-dire qu'il y a des partitions parce qu'on peut pas mettre de disques à l'époque, mais aujourd'hui on aurait une sorte de super DVD, j'imagine. Exactement, avec on pourrait cliquer, une espèce de web documentaire incroyable. Mais c'est ce qui est étonnant aussi quand on parle en effet du multimédia, c'est de voir comment aussi à cette époque-là les idées étaient diffusées malgré les distances, qu'on n'avait pas besoin nécessairement d'internet pour rassembler des tas de choses tout à fait. C'est un peu plus long, quoi. Donc ça sort en 34. C'est très intéressant, si je puis me permettre cette petite parenthèse, mais très souvent on dit, vous savez, quand on parle de Picasso, etc., on dit oui, c'est l'époque de l'arrivée de l'art nègre, etc. On s'intéresse aux cultures non occidentales. C'est bien sûr les premiers grands écrits de Lévi-Strauss, enfin, etc. Mais on oublie de raconter, d'expliciter les vecteurs de tout ça. Et je trouve que le travail de Nancy Cunard, on a enfin l'impression de toucher du doigt la véritable influence de certains esprits qui veulent ouvrir la pensée occidentale à autre chose. C'est, là, on a vraiment la clé cette fois. On n'est pas simplement dans les évocations lointaines. C'est... Oui, et puis c'est surtout, on arrive à comprendre quand on évoque cette période, en effet, disons altruiste de la part d'artistes, d'auteurs, d'intellectuels, c'est tout le temps du point de vue du blanc sur les noirs. Et là, en effet, là, c'est une nouvelle manière de voir le point de vue des noirs sur leur propre situation. Alors, je suis sûr que certains de nos auditeurs se disent, mais puisqu'elle est l'héritière de cet empire qu'était la Cunard, les Cunard Lines, c'était quelque chose de tout à fait phénoménal, elle va finir par faire un héritage colossal, elle va devenir multimilliardaire et elle va pouvoir enfin mettre ses idées en pratique, si je puis dire. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. Non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, à partir du milieu des années 30, finalement, elle ne va pas du tout avoir le niveau de vie qu'elle aurait pu avoir. Elle ne va pas non plus être à la rue, mais elle va avoir une rente assez faible pour vivre assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle... En 31, elle se lance dans l'anthologie, mais elle écrit un petit pamphlet contre sa mère. Avant l'anthologie, en fait, c'est un petit texte qu'elle va publier à compte d'auteur et qu'elle va diffuser auprès de ses amis, extrêmement violent, quelque chose que vraiment où elle se moque de sa mère, du racisme, mais en la là, citant, c'est, la haine, oui. C'est vraiment un acte de rupture très fort auquel sa mère va répondre en lui disant ben voilà, je te coupe les vivres, enfin à une échelle assez moins, enfin elle va toujours avoir un peu d'argent pour vivre, mais vraiment elle va je te renoncer déshérite, en quelque sorte, voilà, elle choses, renonce d'une certaine manière à un héritage potentiel. Après, elle touchera un peu de sous, etc. Mais elle ne pourra pas utiliser son argent autrement que pour l'anthologie. Qu'est-ce qu'elle devient après l'anthologie, pendant la guerre notamment Pendant la guerre notamment, elle retrouve, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, elle rencontre Pablo Neruda à l'occasion de la guerre d'Espagne. Pendant la guerre, elle se rend au Chili chez Pablo Neruda, elle passe un peu de temps chez lui, elle voyage un peu, puis elle retourne à Londres où elle se propose d'aider l'armée anglaise pour des traductions françaises, etc. Elle va vivre très chichement. Et c'est à cette occasion aussi qu'elle rassemble des poèmes pour en soutien aux résistants français, que vous évoquiez aussi tout à l'heure. Et ensuite, après-guerre, elle revient à Paris, et c'est là où elle est en France, et où elle se rend compte que sa maison a été pillée pendant son absence. Sa maison en Normandie, en fait. En Normandie, par les habitants du village, et ensuite par les nazis. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les habitants du village, on leur a même indiqué le chemin, si je ne m'abuse. Oui, puis je pense que pour les habitants de ce village-là, en tout cas, une Anglaise qui faisait venir des Noirs, des Républicains elle espagnols... Elle n'avait pas très bien vue. Hein. Voilà, son absence a été un peu l'occasion de se venger. Peu, oui. Et elle a longtemps, il y a eu un long procès, etc. Elle voulait des dédommagements, comme beaucoup de gens ont demandé, et elle n'en a pas eu. Justement parce que c'était les habitants du village et pas les nazis qui avaient saccagé sa maison. Alors bon, après, donc elle revient, c'est compliqué. Ce sont pas des années très glorieuses, hein, les années 50 pour elle, c'est difficile. C'est plus difficile. Du tout la splendeur des années 30, en fait. Elle est fatiguée, elle a aussi, comme vous le disiez, elle a pas mal bu, elle s'est pas mal, voilà, elle a eu une vie un peu où elle s'est dépensée de manière un petit peu fatigante, disons. Donc après-guerre, c'est une témoin des années 30 déjà. Donc elle va écrire quelques livres sur Georges Moore, que vous citiez tout à l'heure. Et après, elle va s'installer dans l'Aude, vivre difficilement et mourir 15 ans, oui, après la guerre, en 65. On dit qu'elle est morte dans la rue, c'est vrai cette... Non, pas vraiment, justement. C'est un peu le fantasme de dire qu'une héritière est morte dans la rue. Elle était entourée par ses amis jusqu'au dernier jour, mais il se trouve que la nuit où elle est morte, ses amis l'ont laissée quelques heures à l'hôtel, notamment Michelet, que vous évoquiez, Georges Sadoul, l'historien du cinéma. Oui. Et le temps de revenir la chercher, elle est partie dans un taxi, elle est morte aux urgences de Cochin et non pas dans la rue, ce qui diffère. Nancy Quenard de François Buau, qui m'a servi pour ce récit, s'est édité chez Peau Vert. Et puis, bien sûr, il faut aller visiter. Il reste encore quelques jours, mais pas tellement de temps. Il faut se dépêcher. Se termine le 18 mai, oui. Voilà, donc jusqu'au 18 mai, vous pouvez voir l'Atlantique noir de Nancy Quenard, Negro Anthology, hein, sur cet extraordinaire événement et phénomène éditorial 1931-1934. C'est au musée du Quai Branly. Merci beaucoup, Sarah Friou-Salgas, d'être venue nous parler de cette exposition, de ce personnage et, disons-le, de cet univers. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Vous répondez, Franck, à la question de Maxime concernant les accents dans la langue française. Et oui, il y a comme ça des choses qu'on voit tous les jours et qu'on finit par considérer comme des évidences. Eh bien, c'est vrai que la langue française n'a pas toujours comporté tous ces accents aigus, graves ou circonflexes. C'est l'imprimeur, un français bien entendu, Geoffroy Thory, qui va proposer pour la première fois l'utilisation de ces accents dans son traité de typographie, Champfleury. C'est en 1529 et les principaux accents du français seront nommés par un autre imprimeur, Robert Étienne, dans son dictionnaire français-latin, en 1549. C'est donc au milieu du XVIe siècle, sous les règnes de François Ier et d'Henri II, que ces accents s'installent d'une certaine manière. Alors, Robert Étienne n'admettait à l'époque que le « et », accent aigu en finale de mot, et l'utilisation de l'accent grave sur la lettre A. Et puis petit à petit, on en a vu entrer des accents. Ils se sont introduits progressivement, notamment dans la 3e et la 4e édition du dictionnaire de l'Académie française. L'Académie va d'ailleurs procéder à quelques changements. En 1762, elle consacre l'usage des pluriels en « es » et accent aigu S, et malgré l'apparition de l'accent grave au XVIe siècle, elle n'en approuve, elle, l'usage qu'en 1740. Le mot frère, par exemple, s'écrivait autrefois F-R-E-R-E, il n'y avait pas d'accent. L'Académie considère aujourd'hui que l'accent, je la cite, a pleine valeur orthographique, son absence ralentit la lecture, fait hésiter sur la prononciation et peut même induire en erreur. Autrement dit, les académiciens nous recommandent de faire très attention à nos accents. Je suis tout à fait d'accord. Moi, notamment, quand vous lisez certains SMS, c'est toujours dérangeant de voir que l'accent est en voie de disparition. Alors, tiens, petite devinette, est-ce que vous savez quel est le mot français qui contient le plus d'accents aigus? C'est le mot hétérogénéité. 1, 2, 3, 4, 5 E accents aigus dans hétérogénéité. Mais voilà, on mourra moins bête ce soir.